we should do something next time. Enfin, one day, we should do something. It's everyone should made a video when we are playing, and if we have a good webmaster, we could make all together with the music we did together and made a video. Спасибо. На здоровье. Depend of what? En fait, je voudrais qu'on fasse tous, qu'on se filme tous au moment où on est en train de jouer le morceau et que chacun joue le jeu, on se filme, donc tout le monde se filme et après on remet la vidéo avec la même musique qu'on a jouée puisque ce sera dans la vidéo. Voilà. Et après on va faire un YouTube. I don't care about your face. I care about your music. On s'en fout. Il existe une vidéo comme ça. There are a video like this. Wait, if I can find it, I will show you what I would like we do. But we have an in-jam, cam jam somewhere. Yes, we will be on YouTube. YouTube. Big star. And then we can do. And then share. And if you have 500,000, it's coming to get money. Oh yeah. Attends. Oui, il y a un ninja cam. Il y a un cam jam. On a tout mis au point. Yes. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur le projet Ninja. Enfin, on parle de ceux qui ont réalisé ça. It's a bad idea. You can do everything you want, Adi. Non, tu mettras un masque, parce qu'il faut qu'on te voit jouer. But. Or you can just... You look like a pharaoh, I can attend. Cool. I look like Ramses. No, comment on s'appelle? Ah, je crois que c'est Stand By Me. Attends. Celle-là, je vous montre. Wait, I show you. Ouais, y a... Ah oui, c'est celle-là. Excellent, excellent. Look at this. This is what I would like to do. Attends, copy. Yes, this one. Excellent, excellent, Mexico. Watch my video. Louisiana.